بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي عن الحراز برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه النفيس جواهر المعاني وبلوغ الأماني، فإن قلتم هذا لا يصح لأننا نجد في القرآن في كل كلمة منه من المعاني ما ليس في الكلمة الأخرى، فكيف يقال إن الكلمة الواحدة حملت جميع معاني الكلام إلى آخره. وعطي جتاي بيويسو لنو أدوان لندن وقت والو بس ينجي وانت كاردو جي ميك كاردو بورم سبحانه وتعالى دفن كاردو غو خمني yep kaddu yu bat yep manam bo len jele manam dans le sens muy expression yi yep daño nek ci bir kaddu bi kaddu manam ñoy jëmmi kaddu gi nek jëmmi manam parole bi nek jëmmi expression yi jëpp waxe ce qui fait que ni lepp ben la ben mana la am lolu nak amana xeyna li ci tagu li ñew ni li tax muy soxla développer moy ne raisonnement bi moko laaj manam moko laaj wala la jonne mais moko laaj plutôt ndax leg leg day am comme niñ wax ci théorie bi dañuy wax na théorie bi day am ay limite et que limite bobu il faut que nga répondre ci su fekente ne théorie bi bëgg nañ mu vérifier wu bëgg juk wara juk. Voilà, comme nous savons dans le monde science, il y a une théorie. Après, il y a des limites. Il y a des limites qui ne sont pas en train de se faire. Il y a des affaires qui sont une théorie. Mais avant qu'il y ait une vérité scientifique, une vérité, il faut qu'il y ait des limites maintenant, matériellement. Il faut prouver que les limites de la théorie sont apportées à des réponses justes. Il faut qu'il y ait des limites, il y a des vérités. Voilà. Seul fi nak manam laaj bi mi laaj mu ne fa in qultum bu ne da ngeen wax ne hada li nga wax ni manam parce que dafa wax parce que wax joju dafa ne parce que en fait bo xolé nim ko développer da ko développer solo ci temps bi ene parce que mbir mi yep kum ko temps bi yep ben point la manam manam abadan manam azal ba abad boko xolé temps bi lolu ben affaire la bo xamantene yi ci nek ci ay minute ay seconde ay tiers ay un siècle millénaire ay année et cetera yoy yep dañu reddu ci kaw fa temps bi man lu mu tuddé souratu zaman moy mbir mi légui mu am li nga xamantene moy élément yoy nga xamné dañ ci reddu bu ko defé ñuy déter ñuy fegnaal temps bi rek manam mais du ñom ci seen jëm bok duñ jëmmi temps bi. Donc lolu ci la kaddu gogou manam day wone ni kaddu gogou manam wax joju ke ni wax ji yep dafa nek ben kesse nga xamantene amul temps en réalité comme ci azal la ba abat lepp nek ben wax rek mu nek une parole lolu mom mo am legui nak mu ne fa in qultum so wax so len waxe ne hada li nga wax kat la ya sah wir li anna ndax kan ñun najidu dañuy daj fil qur'an ci alqur'an fi kulli kalimatin ci bepp kaddu menan minu ci mom minal maani ci ay maana ma lo xamantene laysa nekul fil kalimati ci kaddu al ukhra ba ca dess fa kayfa ananaka yuqalu lam yuxe innal kalimata nak kaddu gal wahidata bay ben xamalat dafa yanu jamee mbole maani kaddu maana al kalam kaddu xam nga dañ ne daf ne kaddu yep dafa yanu maanaay manam amul tekkale ci non seulement kaddu ñu ñu tegolonte comme niñ ko waxe won ci jotaay bi wess parce que sone kun wala bismillahir rahmanir rahim bu fekente ne dañu wouté ci niñu len tégué rek ci ni kaddu yi di tabaxoy forme bi nonu suñu wouté wé rek ce qui veut dire que ni wouté day daal di am manam kon day daal di am chronologie té bu chronologie amé ci mbir mi dootu ñu mëna taxaw wax né bénn bi dafa jitu lool manatuñ ko wax comme nak mbir mi démé wut nonu kon amul digeen amul tékkalé différence ci ni mu tégalo mais loolu la ñak amé différence am ci manana bi mais loolu tamit indi won nañ ci tontu comme ni nga xamné non la ci tonto mais lo xamantene manam boko waxe rek danaka ñun ñep mën nañ ko comprendre té mu leer moy sama fichier bi nga xamantene mom la yor Fatiha ñu tari ko ci fichier bi ni mu nekké nonu mana yi ak ni mbir mi tektelo yep nonu yep ben la en man en fait fichier bi moy jëmmi wax ji di jëmmi expression yi té amul différence entre expression yi ci ni fichier bi téggo ni maintenant pour mu am différence il faut que ñu guéné ko ci manam il faut que ñu duggal ko ci ben logiciel bo xamantene mom mo koy extraire manam mo koy lire pour ñu mën dégg wax ji nekk ci bir du dëgg wala lool la dal légui da manam lool la ci dal mëna ko comprendre ci lu yomb hein nga dal mëna comprendre ci lu yomb mais légui mom mu ne qulna dañ nan ma zakartum li nga xamne mom ngeen tuddu min al mu'arada ci garalante manam garal gi nga indi ci wax di manam riposte bi nga xamantene mom nga def ci sama wax di suratuha jëmum manam fimi meuna nekké lu deggu manam ci forme nimi meuna taxawé khaysu moy ci anam nga xamne kana nekkon na al kalam kaddu gi qur'anan nek al qur'an lolu xon nañ ko bu nekké al qur'an mom effectivement baat bi ku nek xamna ni allah boku tak tabat ñu xam nañ ko ku nek xamna ku nek xamni hein est ce que am nañ ay différence ci moy lolu moy bu ñewé bu ñeké alquran manam buñ ko waccé comme gisoon nañ ko ni ki alquran ni mu nek alquran nek melo ci borom bi subhanahu wa ta'ala bokul ak alquran dal ni mu nekké ci lawhul mahfuz ak buñ ko jëlé fofu parce que ci lawhul mahfuz lan la suryani buñ ko jëlé fofu indi ko wacc ko ci baytul isa ak tamen ñew diko wacc ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam même alquran nim ko nimu nekké non malaka bi bu ko indi diko toxal diko jox yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko recevoir manam ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay nekké arab wa ja'alnahu umara ja'alnahu def nañ ko manam ay sayarnahu lool waxon nañ né ja'ala bu fekkante dafa am ñaari nar maf'ul baax sayara lay mujjé lay tek manam def nañ ko manam moy sorti nañ ko transformer nañ ko lool lay tek mom alquran manam bimu duggé ci jëm yentibi sallallahu alayhi wasallam Allah sallallahu alayhi wasallam ci la moy yentibi sallallahu alayhi wasallam moy logiciel bi nga xamné mo koy lire mu nek arab motax mu nek ci juroom ñaari forme xam nga sayyidina jibril sallallahu alayhi wasallam bu ñëwé alquran bu ko jangal yentibi sallallahu alayhi wasallam nek ben alquran ak lay indi duggal ko ci yentibi sallallahu alayhi wasallam mais bu ko yentou bi sallallahu alayhi wasallam mom day jangale lay nek djourum ñaari harf ma ala sab'ati ahruf parce que manam mom ci mom wala comme ni ko cheikh abdass da bakh radhiyana adam yege nour ge basta yege qabd be et cetera voilà kon ni mu nekké kaddu borom subhanahu wa ta'ala bokk tek bu nekké ci yent bu jégué ci yent sallallahu alayhi wasallam donc mais bu ko yent bi nak sallallahu alayhi wasallam day jang nak lay nekk qur'ana bu ñu waxé ni kaddu borom bi la subhanahu wa ta'ala dañ koy askanalé borom subhanahu wa ta'ala ngir tektalé lamuy tektalé manam ngir junju lamuy tektalé et que alquran d'ailleurs ci ngay xamé magga yent bi sallallahu alayhi wasallam par rapport ak leneen loolu mom ndax bu doon ci keneen la wacc duko mun def duko mun lire mu nek alquran comme ni duko mun manam yentou sallallahu alayhi wasallam kesse motax mom lay wax ni ci loolu lañ ne turjumanu lisanul qidam mom moy yentou sallallahu alayhi ci baat bobu la ci expression bobu lañ nek bu beulé gel moy yentou sallallahu alayhi wasallam moy lantinor moy interprète kaddu gi nga xamantene laminu di jitul manam moy kaddu alquran bi nga xamantene dafa jitu borom subhanahu wa ta'ala nam ko waxe yeralti sallallahu alayhi wasallam moy lantinor bi manam mom moy nga xamantene bi kaddu bi ñewé bi mu manifesté wo ci mom sallallahu alayhi wasallam ki lako meuna exprimer sinon su dul won mom keren ku dul won mom ku dul won mom rek buñ wacce ci alcorane ci mom du nek du ko mun lak du ko mun genné mu nek manam xam nga leg leg nga am ben fichier bo xamné dang koy duggal Windows Media mu bañ comme Royal Play fichier RM wala do duggal Windows Media waji ne ko mu lire mu nu ko lire ce fichier est corrompu ou inadapté ak par rapport ak affaire bi hein parfois da nan la sax parfois corrompu ne fait corrompu wul da da ko meunte lire voilà kenen ku dul won mom tamit yaronte bi sallalahu alayhi wasallam alcorane bu ñewé du ko mun lire motax wa qadda deug deug qaddamna jitu won nañ andaho naka mom la yusamma defu ko tudde mom kaddu gi war worom bi subhanahu wa ta'ala qur'an al-qur'an illa lul idha waqa'a burati ala alsinati ci lamino al-bashar nit ñi yaqlunahu ñu diko jang wa amma dal fi al-haqiqati fi haqiqati ci deug deug qiyamhi taxawayam namu taxawé bi zati ci nek nek borom bi subhanahu wa ta'ala fa suratuhu ak jëm mom al-qur'an manam forme wi ni mu mel la tudrako defuko defuko joté manam deful am accès ci lolu wala tafhamu te defuko deg manam deg deg gum xel manam compréhension kenn duko comprendre kenn du ci am accès kenn duko comprendre falaw kana bu fekkonte nek na kalamuhu kadom fi zatihi ci nek nek mom borom subhanahu wa ta'ala kullu kalimatin bepp kaddu muhtasatin bi aji jago bi maananti mana duna ukhra walif benen kama kem ni nga xamna naqrahu mom lañ koy jange fil qur'an ci alquran latasafa kon dana melo mom borom bi subhanahu wa ta'ala hina izin bu boba bil ajzi ci lot fi kalamihi ci kaddom iz ndax kat la yaqdiru du am katan an ci yatakallama mu genné kaddu bi jami'i ma ci mbolam li nga xamantene ahata tek na bi ci mom ilmuhu xam xamam fil kalimati ci kaddu al wahidata bayaju ben su fekkonte ne borom subhanahu wa ta'ala pour mu te lolou dafa yanu manana bu evidence sax manam su don ne borom subhanahu wa ta'ala kaddu yep il faut que kaddu par kaddu par kaddu lay meuna wax pour mu mon affaire bi doga kon mais li nek ci mom ci xam xam manam moy une infinité kon du ko mun exprimer ci ben kaddu kesse te au moment où munu ko exprimer ci ben kaddu kon non ton limi tek moy en tout cas li daf ci lot nak al ajzu moy incompétence manam ñak am capacité xam nga ajzu contraire bi motax lool lañuy xamé digënté al quwwatu ak al qudratu al quwwa ak al qudratu c'est différence moy al quwwatu moy katan non al quwwatu doola lay gëna nuru doola al qudratu moy katan ana qudratu moy puissance quwwatu moy force la différence am sa ismaal al imam ibn rajab si am la différence entre force et puissance suma jere différence manam boudé force la hein al quwwatu contraire moy ad dawf hein no comme ne huwa alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa gis nga yalla mo len bind ngeen nek ñu new doole wala mo dha'fu new doole faiblesse thumma ginnaw gi ja'ala mu def min ba'di quwwa min ba'di dha'fin seen ginnaw new doole wu quwwa ak katan thumma ginnaw gi ja'ala mu def min ba'di quwwatin ginnaw ak katan gogu manam ne def doole goga doofal ak new doole wa shayba ak magat ak bidjaw kon manam moy nit la moy nit day faible bi mu nekké lire jekki jekki nekki jeune di dox di dang di meuna yalla wa affaire yi sax yoy di meuna dawal mo do ginnaw gi mu dal di newat doole etc magat lolou moy kon différent lolou ku wax kon contraire bi mo dof amma al qudra moy katan moy puissance kokou do mieux contraire bi moy al ajz moy lot légui nak ñom sen différence dans la réalité lan la moy buñ né ki tay bu fekkante na dama ñew ñu tek fi ben valise mënuma ko yëkëti du tout mënuma ko yëkëti koku daf lañ koy tuddé manam ak new doole ndax attanuma ko new doole amma bu fekkonté né tay dama ñew kon bobu contraire bi moy bu mako mëne yëkëti moy amna doole bu ko yëkëti lool moy force voilà légui contraire amma ajzu lot moy dana ko yëkëti mais deug moy gis mu and ak manam luy wané né sornuna manam et que mbir mi metti na et que manam nekuma à l'aise ci nima tey mbir mi ak lot da ci am lool moy al ajzu contraire bi nak moy qudra moy puissance voilà deng kon fi voilà impuissance impuissance incompétence voilà xam nga nit dina di def dara sax nga gis ne meun nako mais il n'est pas compétent manam incapacité incapacité est ce que gënul djégué bi ci dess moy ñak doolé moy faiblesse mais quant à incompétence moy mbir mi nim koy défé même bu ko défé ré ba paré da ngay gis né nekul à la perfection moy compétence bi mo wañ mo voilà voilà voilà dénga kon légui nak borom bi subhanahu wa ta'ala su doon né kaddu yépp du ko mëna bu doon day obligé lu nek ci xam xamam yep mu diko exprimer ci ben cadre lool lan lay tudd lool du nek du tuddu ñak man mais limay tuddu moy lot lot lay tuddu moy al ajz impuissance lay tek mais tekiwul ne amul force mo munuko mais lot lay tuddu te lolou manam bi mën nañ ko comprendre ñun ci lu facile té moy liñ doon wax doon nañ ko joxe exemple souvent tay bu may wax ak yow amna lo xamantene suma ko waxe rek tay bu mëna la suñu notion bobu ñu doon régler day daal doy wolif bu fekké ndena xam nga limay wax day daal doy wolif ma bëggoon fe nek dila expliquer lepp le parce ki nga xamantene mom xamul lima doon wax histoire bobu xam nga tay bu mëna la xew xew bobu moy par exemple li xewon demb xam nga li xewon demb mën na nek événement yu bari manam wax ki dafa wax li ki tontu ko li ki dem def ji li ki jugge fi dem fele et cetera tout ça toute l'histoire ñu tuddé lepp xew xew bi mu nek benn mbir kessa tay suma lako waxé la li xewon demb de dadi gatta lepp lu explication ci mbir mi parce que xam na ni bu mako waxé rek comprendre nga bokut ak tay suma doon wax ak ko xamantene xamul li xewon demb dama ko wara expliquer toute l'histoire pour mu mën comprendre ma dogu continuer ci limay wax lool day arriver souvent so expliquer nit kenn dara ko xamantene xamul be a baye koku ni ngi koy waxe ak mom bokut ak ni ngay waxe ki nga xamne mom xamna lepp comme ñom imam khalil ñom ni ñuy waxe rahmatullah alayhi xam nga le passage bi ñu gisoon ci imam bi da kay mo par mo lu do te lu voilà parce que imam Khalil ñom ñu mi waxe nga xam nga voilà bokul ak par exemple borom risala ñu mi waxe voilà borom ibn abi zayd rahmatullah alayh ñom ni parce que ñi ñi waxal duñu ben voilà donc té ñoom ñaan ñep arab lañu lak mais parfois mom xalil nit ki da koy lire ni bu fekkante na xamul fiqh xamuko du xootu ci da koy lire ba para du xam limu wax lan la lire nako para mais xamul limu wax lan la ndax duggalante istisna yi nga xamanteni mo ci bari ak surtout mafahim yi ci am ak dundu yi isharat yi dundu yi mi dundu bir waxi et cetera donc boudé xamou fiq mom c'est sûr que boko lire do comprendre dara mais dara voilà alors que risala ki nga xamné xamul fiq mën na ci for lu bari wa mën na ci for lu bari sax wa deng légui kon lolu bu fekkene na comprendre nañ ko non même ci bir langue yi dang koy gis amna langue yo xamantene benn baat rek ngay wax mu tekki comme par exemple ñu mëna xam li nga bëgg wax yépp benn baat ngay wax alors que bu doon benen langue la ay phrase ngay construire benn phrase ngay construire pour mëna wax lool comme souriani mi par exemple non comme ñun buñu ñëw na nga def bu fekkante la ci tubab la do wax rek benn baat kessé bobu comment allez-vous wala est-ce que vous vous portez bien yoy lañuy wax manam dañuy gis ne kon wax ji dafa gëna gudd solo langue bi may lak solo ki may waxal légui nak pour ñëw nak ci suñu wax di moy bu doon borom nga nak subhanallah xam nga ñun loolu rek déjà dañ koy comprendre ce qui veut dire que ni kon nit ki lu muy gëna parfait ci ni muy mëna manam maana bi ni muy mëna nekké ci mom ba mu koy mënd di exprimer ndax daf ko concevoir bu baax ni muy gëna mën parfait ci mom muy gën di mën di teunk ay cadeau ci lo xamantene bu ko teunké kiko dégg té mais kiko dégg té tolo ak mom niveau té tolo ak mom niveau mën nako xam par ki tolo wala ak mom niveau wa comme informaticien yi dugo gisse buñu programme wo langage de programmation ni soy programme da dañuy ben bat kessé mais mu tek comme include bobu han da ngay gis boko waxé rek day dal mëna tek ci lu bari boku tek tay wala print nangam alors que bu doon dang koy exprimer il faut nga utiliser langage bu gëna manam ay expression yu gëna bari deug lool la mel manam légui kon wax di loy gën di am compétence di gën di fort di gën di am puissance manam ki di gën di am wa compétence ci affaire bobu sa wax day gën di day mëna gatt nga wax ci lu bari borom na subhanahu wa ta'ala comme que mom fa lola ca mom lay am d'une manière parfaite motax yanuna manam dañuy dal di wala comprendre que lepp nek ben manam lepp di delu ba nek ben baat kesse ben wax rek mu nek wax yep lool la lay wax su mënul won loolu nak konontone dañ nan dafa melo ak lot fa kayfa de nga mune wala ajju te lot munafin lu daqula lil uluhiyati ñel yello gi nga xamantene mom la yello ñu jaamuko mom dong d'accord wo wote lool itam muhalun lu jombu la mentene wa kon lu tax way mir ni mune falaw bu fekonte na irtafa yegitu ko na al hijab kiray bi anil zati wulif nek ga min haythu ci aram bi nga xamne ma nona hiyel la nekke nona hiye mom wa samata te nga deg kalama ha kaddo mom borom subhanahu wa ta'ala min haythu ci anam nga xamne ma mom kaddu go huwa mom la nekke huwa mom la adrakta ginnani da nga joté da nga yegg da nga xam an la nekke al kalam kaddu gi kulluho lepp kalimatun ben bat rek lo dang ko comprendre so amon accès hein ci essence bi essence divin ni mu nekk non hein nga xam ni mu nekk deug di nga gis ni cadeau gi ni mu taxawé ci mom benn baat rek la cadeau yépp yi nga xam tane dañu infini comme niñ ko gissé won niko alcorane waxe yeb li ñu gis ne benn baat kessel watil kal kalimatu te bobu le kaddu nak mu xetatu aju peek la fi taqulha fi taalluqha tik aju bima bi jami'a ma ci mbolam li nga xamna ahata peek na bi ci mom ilmu llahi xam xamu yalla ta'ala aju kawdi wala zamanatu do amu jamono wala taqdima deng amul jamono fofa wala taqdima amul ak jitu wala ta'khira amul ak mucc boko jamono amul mom lañ doon wax ne la wala melok bana borom subhanahu wa ta'ala amul la manam jamono jep ben rek la ben point la ci mom moy al-anul ilahi mom rek la am amul lenen manam ñun ñu am ay temps ak yoy mais mom amu ko manam li ñu manam li ñu wax temps moy azal ba abad lool moy temps azal ba abad mais même loolu sax ci ñun la am sens mais borom subhanahu wa ta'ala ben point kessel manam amul lool voilà liñ doon wax nan suratu zamani nangam dafa préter na lak yoy ni mu nekké ci borom subhanahu wa ta'ala yoy yep ñuy wax manam pour jégeñal mbir mi la hakikatan mais en réalité deug motax ñu nan temps bi azal ñuy wax azal ak abad parce que azal ak abad mom ci temps rek la am lu ñu wax azal ak abad lolu temps motax ñuy wax azal ak abad mais lolu ci ñun la ñun ñoo tax ñuy wax mais sinon borom subhanahu wa ta'ala amul lolu motax amam amul tambale xam nga tay bu fekkonté né azal dafa am lu ñu tuddé azal té mu am fu mu tambalé azal bu ñu lu ñu tuddé azal bu doon dafa am lu point bu réel bu ñu tuddé azal kon day am fu mu tambalé moy l'infini su existé won réellement parce que même yi ñi wax moy l'infini yépp en réalité dublu wuñ ci moy l'infini wala infini hein liñ ci dublu moy lu sori rek lool rek liñ ci dublu hein est ce que lool atak def lool liñ ci dublu hein wa infini mom la wolof nan atak def xam nga loolu dublu wuñ ci loolu jeex liñ ci djublu moy lu sori ba nga xamantene dañuy xam ni mbir mi marge d'erreur yépp dañ nañ légui ci suñu liñuy wara wax suñu calcul bi loolu lañuy tuddé infini hein légui mais infini dans la am moy comme exemple biñu joxewon rek ci biñu wax ci nombre yi nombre bo xamant ci xalaat té loolu ci nombre lu rek simple la pour wax né infini bobu existé parce que nombre bi comme niñ ko waxa nombre existé wul dans la réalité nombre le ben mo existé mais sinon nombre en réalité existé wul ci mathématique rek la nombre existé té lolu pour djégañal ko xel la parce que mathématique mom ci bopum en tant que tel dañ ko utiliser ci yenen xam xam yi lolu la mais nombre en réalité dans la en réalité li luñu wax 1 wala 2 wala 3 wala lo de en réalité lolu existé wu wa ben dal mo existé mais nak borom subhanahu wa ta'ala daf ñu defal lolu ci suñu xel yi manam mom motax ci xel yi la utiliser ci khayal la ala khayal la monde un nombre khayal rek existé mais ci wa yalla nak ci yeurmeundeb lañ ko defal comme nimu defale tour yi ci yeurmeundeb de telle sorte que sumay wax dara dama koy meuna teunk manam tay bu fekkonté sa su nek dama nan ben ak ben manam yoy bu beure sama xel doot ko meuna tak mais le fait que mo meuna utiliser nombre lu yermane la bu sans borom sa la wacc ngir moy meuna xam bir mi fum tol ba nga xamantene bu ci amé lu ca wañé ko mo meun ko xam bu amé lu ca yok ko xam ko mu yomb ci man mais suma à chaque fois hein day met mais sino yalla len bindu ko ba pare bindat lenen lu melni mom amul wa dede mo motax yep ay ben lañ ben ñoo existé wa mais nak ci yeurmu dem rek subhanahu wa ta'ala mu indil ñu nombre yi tamit ci suñu xel yi ñukoy mënd ñu ko sauver affaire mais ci lool tamit di nga xamni infini existé wu ak moy lay fini aussi parce que nombre bo meun yobbu hein mën nga ci yokku ben mën nga ci yokkat un mu jeex nga la di dol kon li ñuy wax ni ci entre azal ak abad manam bu nek ben point kesse ci borom subhanahu wa ta'ala ci la nonu nak lañuy ñoy gisee ni kaddu gi aussi non la nekk amul jitt ba pare bo wa du am lu jitt ak du am lu mujju du nekk ci jamono kaddom comme mom ni mu nekkul ci jamono kaddom nekkul ci jamono tamit ñu comme niñ ko waxe won gisee won tamit ci exemple deg ak gis ni nga xamantene bu limi gis yep da koy gis te du ko gis ci jamono ni nga xamne li yep da koy deg te du ko deg ci jamono non tamit la kaddom mel muy wax wax ji mbir yep yi nga xamne xam xamam peeg nako té duko wax ci jamono lolo tax nak ñuy wax né nopi dafa jombu ci yalla lolo tax ñukoy wax parce que suñu won lolo nopi do du won jombu ci mom di contrôle ma ak niko wax ak di wax manam ak mu jassume yépp ko ñu koy waxé yalla ñu yalla sama ngani kon jamono lutax kon kérok ngeen manam ci jotay bi wess ñu doon wax affaireu suratu zaman ak yoy mu ne parce que iz ndax ma zaharat du feñut suratu zaman jëmmi jamono liñ wax manam liñ doon wax jamono joju illa lul ba'da ginaa wuqu'i rutuk al hijab kiray kiray le fait que mu nek fi motax ñuy wax suratu zaman sino bu fi kiray gi nekul falaw bu fekkonte na in kashafa deñ na wala bok in kashafa ci benen musafir manam wunñeku na al hijab kiray la raayta gi nane da nga gis anna zamana naka zaman gi jamono li ñuy wax jamono la wujuda deet ak nek loho diko ñeer aslan ci ciosan jamono ci jëmm bopam du am en réalité en réalité jamono temps lolu en réalité temps amul lolu la mom lañ doon wax biñ nan la temps liko indi rek moy espace su fi espace bi nekul rek temps dootu amati dootu am walam yaqata du def illa lul al wujud nek def moy yalla xanam al mutlaq bay aji bañ doyal def mo xamantene existence am wa qidamuhu ak jito mo baqa'uhu ak saxam tabarak ka fi nek ni sa pré-éternité sans son existence dans l'antériorité absolue et sa permanence point final lolo tax en fait lolo diñ ci ñew légui ci walu kaddu bi mais ci walu gis gi walu gis gi nit dina yegg ci walu gis borom bi subhanahu wa ta'ala fo xamantene manam ci xolam wax pa bëtt ci nga xamantene day déllu wat temps bi day déllu ci ginnaw temps bi day déllu ci ginnaw mom ba nga xamantene day dem ba nga xamantene day jéggi temps bi yépp ba gis borom bi subhanahu wa ta'ala manam wala haqiqatul muhammadiyya ak haqiqatul ahmadiyya non ci nimu nekké mais bu koy gis du ko gis ak bop xolu bopam manam beutu xolam mom mais par boromum la koy gisé parce que yalla moy mujjé nek beutum manam gis gisam dégg déggam et cetera comme niko hadith bi wax lool moy tax muy mënd di delu bay mënd def lool sino par mom kessé bu ko mën légui su démé dina mënd di dem ba ben jamono jo xamanté day gis affaire yi tambalé deug fi nimu nekké moto fofu nak temps amatul espace amatul dara amatul ngay gis réalité bi non nak ni nekk ndax kiray bi lañ dindi parce que temps bi yépp kiray la fi mindeef bo fi gis kiray la mindeef yépp kiray la bo xamné à travers mom la borom bi di feñu point final temps bi nak bo démé ba gis ni mu nekk kiray bëgg bëtt ko dem di nga gis loolu réalité bobu est ce que da fa hijab bob ma waral ni ni di gis nit nan ki yalla la wala bon à vrai dire yoyu non seulement dafa jara moy tandiku surtout diko jima layal vu danger bu mak bi nga xamantene mo ci nek parce que upp ci ñi nga xamantene ñom ñokoy wax rawati na suñu jamono moy ñi nga xamantene seen yonekul ci yalla manam moy amuñu ben xorma ci borom bi subhanahu wa ta'ala yalla tere ñukoy ragal wala ñu am manam wala bok ñuy évoluer yalla tere ñuy soobu ci yoon bi ñuy xoté ci walu yalla bay mëna xey di réaliser mbir yu mel non manam ko xamantene la li ëpp ci ñi ko wax buul ñepp sax moy ñi nga xamné manam li yalla diglé ak limi téré seen yonnikul manam étape bobu rek dépassé guñ ko entre li yalla diglé ak limi téré ñu diko djema di djema samonté ak limi diglé as di moy ci ndikul limi téré étape bobu dong dépassé guñ ko waxuma la di évoluer et cetera bay gis yalla ci mbiri manam ba borom subhanahu wa ta'ala di len feñu ci ginnaw mbiri té lolu motax lu bokul ak gis né mbir ndef yépp ay hijab lañ et que borom subhanahu wa ta'ala moy feñu jaamam yi à travers hijab yoyu bañu war ko gis en réalité borom bi mo len feñu et que ñom dañ ko waron gis à travers lool manam ci ay touram ak ay melom lañ ci dublu mais kenn dublu wu ci jëmum kenn dublu wu ci jëmum buñuy wax gis borom bi buñ ko wax ak xam yalla kenn dublu wu ci nek ji parce que azat ghaibun fi ghayati al-butul kumpel go xamantene dafa nek ci dayok laqatu dayok nubu yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam bin ne ko da halra ay tarabuk mu ngi ci sahih muslim hatta la sahih imam bukhari wa muslim sauf ko imam muslim daf ko teela indi hadith yoyu ci kitabul iman halra ay tarabuk mu ne nur anna ara ci benen riwaya nur anni ara ci benen riwaya narun anni ara leer ana naka la ko gisse manam moy benen bi mo loy wonne limi tekki moy bimu nan leer man ni lola la gis manam moy lan manam moy borom subhanahu wa ta'ala moy hijabuhu nur bal hadith la tam hijabuhu nur ki raya leer la manam mom yeralti bi sallallahu alayhi wasallam su fekente motax gis biñu wax nan gis nako ci botam gis nako ci xolam yoy ñaar ñoñu liñu wax benn la nem wax ji lañ wax ci beutum lako gis ak ci xolam lako gis ben la parce que yent bi sallallahu alayhi wasallam parce que li nga xamantene moy nek borom bi subhanahu wa ta'ala en tant que zat yent bi sallallahu alayhi wasallam bi gëna kawé ñep mom néna ga gis na borom bi mais nak lèr la gis manam ki ray gogo mom la gis manam borom subhanahu wa ta'ala da ko feño ba feño ko ci à travers ki ray gogo leer gog te leer gog mom la sallallahu alayhi wasallam nan waj'alni nuran ngi def ma leer leer gog mom la sallallahu alayhi wasallam mais amma di gis comme ñun niko gaay di waxe ci mbedd mi ah non ay keneen ki di wax ni gis na yalla ba japp na ci sikim beek yoyu koku min koku kufru la bo xamne ma faqahu wala ba'dahu kufru wa ko kefer la go xamantene amul ci kawam ni ci ginnawam kefer koku zandaqa la lolou lañu zandaqa moy manichéisme manam moy nit ño xamantene dañuy nek ño xamne manam l'islam mom principe yu base yi sax gëmuñu ko jappuñu ko mais dañuy faral di doxale ak di waxe no xamne mbolam xéti maqamay wote won nañ ko kawtu duñ sax lay julli mais li lay won né parce que yalla dafa am nokuy gëm mais yahudi yahudi lutax seen ngëm yalla duko nang nasarani xam nga nasarani xam nga diñ né yalla amna doom wala yalla nangul lool ci ñom yow nan ngay mëna wul batiko di wax yu gën graw yoy nan gis na ko mu nek wéllu pa borom sikim bu wéx ba japp na ci xëtt yoy dañu gër dañ danger ak yahudi lan attention hein yori liñu wéddi ci yalla liñu ba tax ñu nek sen kufru bon ginnaw biñu wéddé yent sa salam lool après benen affaire la mais même avant sen aqida bobu li tax rek diin manam yalla nanguko diina nanguko même bu ñu nekké nonu yoon moy yi ñuy xalat yi ñuy wax ay borom subhanahu wa ta'ala bimu bindé minné fi masala doko da leena bind nit ñi gis leen légui musiba bu mag bi manam ak désordre bu reuy moy yalla bu metti gi nekk ci kaw suuf ci ba yalla reccu li taxol mu di leen bind ba muy joy sax affaire bobu ba febar ci ba maraka ñew diko xiar xam nga lool mais lool ki wax lool ak ki taxaw wax ne manam jël yalla jëf utul ko forme bo xamne dafa taxaw nga wacce ko fi ci kaw suuf tek ko di wax ak mom wala ngay japp ci ki mom diko xëc kokku ñom ñaar kan mo gëna doy la war ku mujju ki hein et cetera boko bolé xam nga bu doon sax ko xamné lu yalla yi diglé mom mi ngi koy samonté yal parce que attention gisoon nañ ko ci jotay yi ci rimax ci chapitre yu ñëkki chapitre 17 la suma djuma kene ki nga xamne mom la ni wax ne doko diingat baxul xam nga lañ koy wax non diingat worul diingat walu yu nangam bo defé diingaté nangam mo la ci fekk ak yoy mayal jamm gaay manam nga ki nga ni xawma nangam yoy mais lolu condition dafa am condition bu leral moy gannaaw bo mu saxé ni koko nit yalla mais ki nga xamne mom preuve am defugo ko xam nga tay ki nga xamantene xam nañu ni par des preuves yu leer ken ki nit yalla la xam nañ ko deja parce que ay doxalinam ay jëfinam ak liko yalla defal ci biti ak manam samonté gi mu samonté diiné yalla gi ak tek gi mu tek tankam ci yoon bi boole ko xam xamu aaruf yi nga xamne mom la yalla def ci mom ñu gis ko ci mom mu leer nañ par des preuves yo xamne dañoo irréfutable ñu ngi ni leer kep ku ko xam nako ci mom boole ko mu nek ko xamantene manam lepp manam dal affaire yi leer ci mom ba pare ba nga xamne ki mbirum mom dafa leer koku lañ la wax ne so gisee ci mom lo xamantene dafa safano ak li nga xamantene mom nga xamol nga man koku lañ wax de manam buñu wax xam nga tay manam c'est pas parce que tay benn way dafa ñew ubbi neegum tek daali wut ay ciseaux tek ou thermomètre am tek ou blouse sa ou ki rek ñew rek keri bu ñewé rek gaay ne wuy médecin la écouter gaay da ngeen mën diingat non il faut pas ñu diingat bu lol le avec demi non il faut d'abord mu prouver d'abord bala muy def erreur ça veut dire que médecin bi nga xamantene nak dafa def lo xamantene xeyna dang ko gis yow da nga japp ne xeyna fi le fièvre bi nek mom nga gis ko muy occuper wu lenen parce que xamulo mom mo gëna xam koku limi def non koku da nga nan ah mom ko mom médecin la te man duma médecin kon nako bayyi mu def liggey koku lañuy wax mais ki nga xamantene musul manam jangul médecine gisunu diplôme médecine xamuñu ki mu ñew taxaw yor ay ñu gis lo xamantene ci mom day wone ni ki du médecin ko ken do wax bu ko ken di nga ta koku dañ ko wara gaaw di nga tey loxom bala muy xoti biiru jambu di ci ñu ko mëna tej wala mu ci am problème ah non aussi C'est ça. Voilà, parce que dafa incompétent. Mom dès le départ mom il n'a pas les capacités ni les compétences ni le savoir-faire. D'accord. Ko xam nañ ko. Donc mom do am donc am am radio. Voilà. Non mais ko la ni wax. Non mais lool c'est très important parce que point la bo xamantene ci walu ñu bëré bëré dañ nan ah yi bu di nga té fi xam nga comme ni gaay di def nga xamné n'importe qui mën na def lu ko neex ci diiné ji ci turu ay di nga worul mandul nangam dédit affaire demi wul non affaire bi demi wul non dé il faut nga prouver d'abord voilà il faut nga prouver d'abord ki nga xamantene nak amul ben gis nañ ci mom gisunu ci mom ben mandargay wilaya ci yu jitu ci xamuñ ci mom lenn ci walu gogo ak yoy koku mom dang koy diñat parce que buñ ko diñatu koku moy zindiq parce que suñ ko diñatu day yak diina ji wax yimi wax yeb ak doxal yimi doxal yeb day yak diina ji kesse ci le non zindiq mo gëna graw pervers mo gëna graw pervers zindi motax imam malik rahmoullah bo gisé perversité le utiliser manam moy ak fisq mom le utiliser ci ki nga xamantene dafa xam fiq mais jikko tasawuf manam moy ihsan manam selal duggu ci manam sobu ci manam ay selal xolam di def ki di jëfi xam xamam yoy depp kok mom fis face ak lako tudde ndax xamna ba pare di def contraire lu bax nek ci yoon bu bon kok mom face ak la tudde mais kokou dess kok xam nga ni kokou neex na xamé parce que ñepp dañ nan mom amna xam xam ga ñe day def lu ko neex mom kok fo dem ci aduna bi kokou du duggal piège danaka kenn ludul ku kon ku mu neex kok ku mu neex rek manam ko xamantene mom dal da bëgg top lu ko neex mom lay piège furu ko kenn du ko piège su ko neexu kenn du ko piège parce que lan motax ngeen gis nga oustaz yi ñoo gëna say fi ñoñu ñoo tax ñu wax ñoo gëna dëng fi ak seen li ñi xam yi yépp ki jang na mais koku jang na sax mais da ngay waru ko jang na mais voilà koku la mais zindiq mo gën dangereux mais djunni yone parce que mom yoy yep duko fek xamuko xamul diine xamul yalla beug ak limi ter mais day wote woné dafa yegg ci maqama yo xamné mom soxlawul sax yoy yeen soxlu affaire bobu parfois nak c'est que aussi mais zindiq li ci graw moy li tax muy mën lool moy tout temps day am ben base bu muy deugerlo day am base bu muy deugerlo tout temps lolo tax manam soit notoriété bi mu am ci deuk bi ci rew mi wala yoy ci lay sukkandiko wala bok wote wo gi mi wote woné mom kat serigne diw moy serignam nangam wala yoy non lay sukkand lay def wala bok ay papam wala ay mamam nekko nit ñu bax ci yoy lay sukkandiko tout temps ci yoy lay jaar pour nax nit ñi mais nak daf ci bolé di ci woté wo ba paré day am machination aussi mo ra nga ko machiniste manam daf zindiq daf ci bolé ay yenn machination yo xamné ku kiwul du ko gaaw xam ku yewul du ko gaaw ragné dañuy fogné rek waliyu la bo xamné hein dafa am ay façon parce que leg de ku muy wax comme li nga wax ni dinañ wax ay wax yo xamné waxu yalla la dina wawo yalla mais en fait waxu yalla yoy da dul wax yi yalla bëgg d'accord day wone ni mom niveau bi mu am ci yalla mo kawé mo reuy mais bobu tamit ñaari façon la xam nga lu ñu wax woto dafa am du bénn façon dafa am ci lisanul hal am ci lisanul maqam bu fekkante na damay woto di way wax ci sama lamel wa man day tabarakallah wandi bu makla nangam ci lolu bobu ben non lolu ben la mais amna benen moy sama comportement moy wané né damay wax né dama len di wané wa man nak duma ko ndaw fooma fekk ma ngi jema def ay affaire yu kémané mba may jema insinuer yu kémané mba may jema wax wax jo xamantene du ko taxaler bu ko defé bu dara xewé ngeen fokk né man dama ko doon tunju wala mé xamone nako wala mé du deug mé lool la may ishara rek wa diax na dëxna biñu wax bu ko affaire bi mo leer bu ko defé yip wala yip daf ci am manam xéet la wax xéet lu yéme ci xéet mi jëm ak yé wala tout temps manam muy jëm woné né dafa am ben xal bu ben affaire bu ma ki bo xamantene damay tok jëm def ay yéne xafé affaire yu xaw kémané ni manam de ta sorte que na yi sa simbi ou mon baby ki ah ni mi bon ba paré nak daf ci bolé aussi parce que am lay waxal boko bëggé woté day am yenn ay mbir yo xam tane non ngay ci bo ko fek xolal souvent genre ñi ngay wax ni bo leen féké da nga leen di gis duñu mel comme yeneen nit ñi non sen bop yi par exemple duñ ko wat duñ ko peñé duñ ko def dara dañ koy bayyi non wala ñu am yenn ki han wala yor yenn kurusu ngandanga yo xamantene han soit dañ koy weko wala ñuy def nenam manam tout temps dina am ben façon bo xamantene mom lañuy doxala pour mën attirer né ah ça va yi ki bu yebo diko may ndiko parce que ku ki man la nangam alors que zéro nul rien si ay façon même kon dono tay faut faire très attention ci affaire machine ki bo machinisme bo si zanda ko donc di wax nan borom bi bon maintenant nak amna nak yo xamantene ay xal la lotax ñu lan ashabul ahwal yoy ci nitu yalla yi ay xal yu ñuy andal peut-être que wax yo xamantene djublu wuñ ci won li nga xamne yow mom nga comprendre parce que ñoo dañu rek ci xal yoon mais ñi nek ci xal yoon comme li sidi ahmed tidiane wax radhiyallahu an mune innani ana allah wala ana allah lolu ku koy wax ñaari possibilité rek mo am ci lay bax ñaar bu ñëkk bi moy ngay jang alquran parce que bo ci ne innani ana allah la ilaha illa allah fa'budni wa aqim as-salat wa zikri ngay jang alquran niyabatan an allah jeex na manam dang koy wax wuto ko borom subhanahu wa ta'ala bi ci dess moy nit ki wax ko fekk dafa jeex ci hadara yalla de telle sorte que xamatul manam de telle sorte que mom ak borom subhanahu wa ta'ala amatuñu difference bam fogné mom manam mu jeex dal moy extinction annihilation fanao mu jeex de telle sorte que légui buy wax day wax ci kaddu borom bi subhanahu wa ta'ala mais koku tamit dafa am ay mandar nga koku tay boko doron jass du ko yek mais muno tok di nan sa ataya nan man yalla la yena xamul rek yena comprendre amul fi lu ni comprendre d'accord comme sahaba ye ci xal bu lañu nekkon bu histoire bu nga netali sahaba bi xamne dañu dafa amone ben infection ci tank bi ñu bu ko dag mais ñu xaar bu muy julli ci lañu orwa ibn zubair radiyallahu anhu yeguko wa mom yeguko te dag nañ tank bi ñu mu julle ba paral lañ rejele sama tank parce que manam buy julle da fa na ci borom bi subhanahu wa ta'ala Allah voilà mais ko xamantene yow lolou xamoko manam xal bobu xamoko waxuma la ci julli ak ci zikar manam waxuma la ci budul lolou mais ci julli ak ci zikar yi nga xamne fofu la mbir ma meuna amé manam lañ ko xamé bok fa la tamé di am sax do la ci dal ngay wax waxi ngay nan sa ataya di lek sa ciet nan ba meuna yalla akay joxal yoyu motax yoyu li gëna yomb moy manam lool ñi mu dal ñoonu bari wuñ de dañ leen di wañi ha te amna benn mbir bu am solo bo xamantene ak ci kan la ko gis mu koy wax amna kuma gis mu koy wax ci bir nitu yalla yi fa deelono mu nan ñom al matbur mo jumul asharani la radiyallahu anhu muy netali ñen ci nitu yalla yi muy wax ne ñom dañ doon wax nan manam ma'rifatul kamila gogu manam xam yalla gu mat sekk gogu amna ay siècle ngi ni yo xamantene depuis bo legui meunatul nak amatu lutax parce que jamono di dox manam circonstances mo adapté tout pour nit ki meuna am accès ci benn xéetu ma'rifa bi lolou existé tout mu la wax nak yow mi nga xamné wala sayyidul arab ibn sa'ih da suma djumul sayyidul arab ibn sa'ih la dayal mu ne mais yow nan nga xolal ñooñu seen jamono ñuy japp ne affaire bobu dafa sori lolou meunatul ne ngir ne jamono ji commencé na yaq yaq way bo xamantene seen jamono ci bopom mo adapté tout ci nit ki meun di ag ci niveau ma'rifa bu mat sekk bobu lan ngay xalat ne yow mi dundou seen ginnaw ay siècle siècle non mais su fekete ne ñom ñoo japp ne lolu te d'ailleurs lolu bok xolé da ngay gis ne même bu fekente ne ci motax ñu jëk ni amna lo xamne mën nañ ko ëppalé ni mujju ni moy xéppu maarifa yoy amna ci genre yo xamne mo te d'ailleurs kuy xol téré dang koy xam ñom ibn arab yi ñom ki Al-Busayri ñom ñom Hakim at-Tirmidhi boy xol ñom manam da ngay xamne amna ay xéeti maarifa ay Seyd Abdul Karim al-Jili ñoo ay Sha'rani wala nga xol ñom Seyd ak ba Cheikh Abdass da bax ndiyam ñoo da ngay gis mais seen xéet bi ñu am manam ni ñuy waxé ak li affaire yi ni manam continue affaire bi ak xam xam bi ni mu léré ci xéetu maarifa da ngay xamné ci ginnaw yi amatul lool dang koy comprendre yow mais amna lo xamantene ñun même bu fekkentene ñom ñoñu ëppalé buntu bobu ñun mën nañ leen ëppalé benen buntu ñun mën nañ leen ëppalé ci benen buntu loolu ngeeneeluk yalla la gumuy def ci jamono ku ko neex ci ñuko neex loolu dépendrul ci affaireo xam xam bi ci bopam parce que maarifa bi ben affaire la mais djegge yalla bi ak yek ak am relation privilégiée sa digeunte ak sa borom subhanallah sa borom tan la koku benen affaire la xet yu ndiki ñu ci upp ci ñom ñoo ñu gënon guddu fan ba pare gënon ñu bari liñ doon def ci ay jëf bit mais lolu and ak lolu yépp yeggul woon fi nga xamantene mom la kenn rek ci ap moy katu yalla sax bo xamne day gor gor ci xet bi fi mu yegg ci yalla motax ñun mën nañ leen ëppalé côté bobu ngir and gi ñu and ak sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu motax buntu bobu mën nañu mais amma kanta té lolu xam nga lolu jaru amna lo xamne jaru wërënt yusuf ki nga xol seen téré yi rek xamne ñooñu seen xéetu xam xam d'ailleurs doto gisati kuy wax jo xamantene day genn waxu ñooñu dedet comme ni mu nekk ci côté fiqh tamit comme côté fiqh an-nawawi par exemple rahmalah c'est fini non lolu Ah non, faut dire ce qu'il en est. An-Nawawi, rahmatullah alayhi, c'est fini. Ci hadith Ibn Hajar, mais c'est fini. Rahmatullah. Mais non, lolu. Mais cependant, lolu tektelewul ne ñom ñoo gëna jégué Yalla. Lolu tektelewuko. Voilà. Yo Ash'arani, mo ban siècle jabe. Ash'arani mi ngi dund les années 900. Manam ginnaw as ñom Suyuti. Ñoo dal talib ñom Suyuti la. Manam moy 10e siècle. Seyd Ahmed Tidiane radhiyallahu mi ngi ñew ci diggu 11e siècle bu jëm manam dundu 12e siècle. Voilà, Hijriya, wa Hijriya motax na. Voilà, mais comme par exemple Sharani, non Sharani bo xolé ni mi wa da nga xamné ki genre bi c'est fini hein. Non mais non, amna c'est que lolu il faut ñu mën ragné lolu. Il faut que ñu mën ragné entre différence bi am entre kené ñi vu rek motax amna ben ki bo xolé ki film ki Soufia nu tudd al kanzu fil masail soufia bi cheikh bi ndara de la mi ngi wax ne ci début bi mu def introduction ba fat demé suñu jamono nak nek na jamono jo xamantene man nekuma di prétendre ne dama fi wax lo xamantene lu bes la. Surtout que ma ngi ci jamono jo xamne yenenbi sallalahu alayhi wasallam du doon muslu yalla pour dundu jamono jol. Hein? Voilà. Voilà, lolu. Maintenant nak leg lañ nga gis ci ben nak ño xamantene ci biir jamono yu mujj yi dinañ am mérite bu ruy. Ba nga xamantene danaka dañuy mëna dañ leen di mëna gam leg ñu jëk ni. Mais ñoñu ay ben la. Ñoñu bo ci gisé kenn do ci gisat kenn. Ah non. Ñoñu bo ci gisé kenn do ci gisat ñaar. Bo ci gisat ñaar ñu mel ñoo. Am nañ xéetu nit yo xamné dañu rar. Dañu rar lool. Du rar ci extrême. Malgré sen rarité bobu bo xolé sen mbind yi nga xol bindu ñu jëk ñi di nga gis ni ñu jëk ñi quand même ñoo gëna dëgër té dafa am yo xamantene xam nga tay ñi ñëw ci ginnaw ñëpp bo xolé sen mbind soit day nekk wax jo xamné mais rar manam dal soit day nekk wax jo xamantene waxu ñu jëk ñi lañ mom lañ jëlat wala bok ñu reformuler ko ci benen anam bu gëna yomb wala benen anam bu gëna adapter sen jamono mais du dox lo xamantene lu bes pour lay doon comme tay par exemple Cheikh Abdoulaye Daba radhiyallahu anhu bo xolé Ibriss da nga ci gis ay wax yo xamne dafa bes pour lu fofu rek nga koy gisse do ko gisse fenen alors que lolu par exemple day rarifier wu du jamono digënté dem ñaar dal la gis ginnaw jamono yu mujj ño xamne mom vraiment leg nga gis ci seen wax yo xamne da ngay gis ni li mom lu bes la pour lu sax bo fere ke mana moy sayyidul baqili radiyallahu mom da ngay gis ci bir wax xamni mbindami da nga ci gis ni effectivement ki mom benen manam benen mashrab la mom ki mom benen affaire la akhiru salahuddin ñaar ñoon da la gis ñuy wax yo xamantene mom parfois té du tout temps nak du tout temps dé mais parfois la yo xamné da ngay gis né li mom lu wess pour lu la mom wa mais ñu dul ñom souvent da ngay gis ay toxal la ça veut pas dire que nak tamit ñeneen ñi amuñu ay futuhat ak ay kushufat yu leen permettre ñu mën def lool té waxuma lool dé djublu ma ci lool voilà parce que leg tamit nitu yalla bu nek amna ay kushufat ak ay futuhat yu yalla wacce ci xolam wala mu ko ci ballele lolou mum am ñepp la nit yalla bu ne lo xamantene xéetu xam xam la bo xamantene bu ko jangé ci ñeneen ñi ci dess té dara ko xam xamin bo xamantene bu ko génné dañu gis né li lu bess la koku nit yalla yépp non lañ mel mais pour nak mu nek lo xamantene deug nit ñi dañ ci jarino ci ay xéetu xam xam yu yéwé yu ki lolou mo bari wul lolou mo rar nak wa xam nga tay leg leg ben expression bi man mën na ko waxe ni yow nga waxe ko ni kenen waxe ko ne kenen waxe mais même wax di la man waxuma lolou lolou mom ñepp ko man manam nitu yalla yepp ko man mais li nga xamne mom mo jafé li jafé moy mu nek lo xamantene ay concept la ak ay notion yu clair yo xamanteni ñu ñëk ñu sa dañu am problème mu définir ko problème mu léral ko problème mu mën ko téxantal mom mu ñëw téxantal ko léral ko génné ko ci génné ko génné concept bi ba paré wone ci lo xamné comme hadith biñ do wax unzila alquran ala sabati ahruf waccena alquran ci juroom ñaari harf par exemple hadith bo ñu ñëk ñëw ñom ñëpp mënu ñu ko won firi ni mu nekké Cheikh Abdel Dabakh radiyallahu anhu mom kessé moko firi bu djup kessé amul ñaar par exemple lool la wax man lool la wax ba paré nga gis ko nim ko firé yaatal ko tass ko toj ko bo lool la wax né façon la bo xamné koku ñu rar ci ñu muju ñu ñoko mu alors que bu ñëk ba dañ ko daan gis plusieurs fois da la dafa bari woon mais ñu mujj ni ñu rar la ñu lool façon bobu la wax wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin